Allah n'est pas tel à leur faire du tort, mais ils ont fait du tort à eux-mêmes. Donc ça c'est la traduction des versets. Maintenant on va lire le tafsir au sujet de ces versets-là. Donc le Cheikh As-Sa'di Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, il dit: "Ey, وأرسلنا إلى مدين القبيلة المعروفة المشهورة أخاهم شعيبة الذي أمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له والإيمان بالبعث ورجاءه والإيمان بالبعث ورجاءه والعمل له ونهاهم عن الإفساد في الأرض ببخس المكاييل والموازين والسعي بقطع الطرق." Donc le cheikh il dit, nous avons envoyé à Madian, c'est une tribu qui est bien connue, qui est populaire, qui est célèbre, leur frère Shu'aib. On leur a envoyé leur frère Shu'aib, celui qui leur ordonnait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, sans lui donner de partenaire ou d'associé, et de croire en la résurrection et de l'espérer, hein, d'avoir de l'espoir et de se préparer pour ce jour-là et d'agir en conséquence, et qui leur interdisait également de faire le désordre sur la terre en trompant ou en trichant dans les balances et dans les mesures qu'ils utilisaient, et également pour leur interdire de couper les chemins, c'est-à-dire de faire du brigand, d'agir comme des brigands et de voler les voyageurs sur la route. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset suivant: فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, c'est-à-dire ils l'ont traité de menteur et ils ont été pris par الرَّجْفَةُ, c'est-à-dire par le châtiment, hein? فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Et donc ils se sont retrouvés comme des corps morts qui gisaient dans leur demeure. Ils ont été pris par le cataclysme et ils se sont retrouvés comme des corps morts dans leur demeure. C'est-à-dire, comme le Cheikh il dit, أي كذلك ما فعلنا بعاد وثمود وقد علمت قصتهم وتبين لكم بشيء تشاهدونه بأبصاركم من مساكنهم وآثارهم التي بانوا عنها وقد جاءتهم رسلهم بالآيات البينات المفيدة للبصيرة فكذبوهم وجادلوهم. Donc le Cheikh il dit, donc c'est-à-dire que de même que comme on avait envoyé à Ad et à Thamoud, hein, des messagers, et vous avez le Cheikh il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait appris leur histoire, et vous avez connu également, vous avez appris ces histoires là vous aussi, et vous les avez entendues, on vous les a clarifiées, hein, et puis vous pouvez également constater la réalité de ce qui s'est produit à ces peuples là avec vos propres yeux, en voyant les restes de leur demeure qui existe encore aujourd'hui, et Annie, vous voyez qu'ils ne sont plus là-bas, hein, alors qu'ils ont reçu des messagers qui leur sont venus avec des miracles, avec des preuves, avec des signes, hein, et Annie, qui étaient en fait des signes qui servaient à leur faire voir, à leur faire comprendre, à les amener à croire, mais ils ont, au lieu d'avoir cru, ils ont préféré traiter les messagers de menteurs et disputer avec eux. Et encore aujourd'hui, on voit dans différentes régions du monde des restes, des demeures, des peuples qui ont traité les messagers de menteurs. Et on voit qu'est-ce qui est arrivé avec eux. Il ne reste plus que des ruines, et il ne reste plus que des choses qui sont anciennes, vieilles et détruites, tandis que les peuples qui habitaient dans ces endroits-là, on n'en retrouve aucune trace. On n'en retrouve aucune trace aujourd'hui de ces peuples-là. Donc le Cheikh il dit: وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ حَتَّى ظَنُّوا أنها أفضل مما جاءت به الرسل. وكذلك قارون وفرعون وهامان حين بعث الله إليهم موسى ابن عمران بالآيات البينات والبراهين الساتعات فلم ينقادوا واستكبروا في الأرض على عباد الله فأذلوهم وعلى الحق فردوه فلم يقدروا على النجاة حين نزلت بهم العقوبة وما كانوا سابقين وما كانوا سابقين الله ولا فائتين بل سلموا واستسلموا. Donc le cheikh il mentionne le verset 38 et 39 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit de même que nous avons anéanti Ad et Thamoud et vous le voyez clairement dans, à travers leur habitation, le diable leur avait cependant embelli leurs œuvres. Le diable leur avait cependant embelli leurs actions au point de les repousser loin du sentier, au point de les repousser loin du sentier alors qu'ils étaient appelés à être clairvoyants. De même que la même chose pour Qaroun, Pharaon et Haman, alors que Moïse leur apportait des preuves, ils s'enflaient d'orgueil sur la terre et n'ont pas pu nous échapper. Ils n'ont pas pu échapper à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le shaitan leur a embelli leurs actions jusqu'à ce qu'ils commencent à croire que leurs actions étaient meilleures que ce que leurs messagers leur apportaient. La même chose pour Qaroun, pour Pharaon et Haman, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé Moussa, le fils de Imran, avec les miracles et les preuves et qui sont convaincantes et claires, mais ils n'ont pas voulu se soumettre et se sont enflés d'orgueil envers les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, envers les messagers, et ils les ont humiliés. Et ils se sont également enflés d'orgueil vis-à-vis de la vérité et ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas été capables de se sauver eux-mêmes lorsque le châtiment est tombé sur eux. Et « وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ » C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas échapper à Allah subhanahu wa ta'ala. « فَكُلًا يعني من هؤلاء الأمم المكذبة أخذنا بذنبه على قدره وبعقوبة مناسبة له فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا أي عذابا يحسبهم كعاد كقوم عاد حين أرسل الله عليهم الريح العقيم وسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية ومنهم من أخذته الصيحة كقوم صالح ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون ومنهم من أغرقنا كفرعون وهامان وجنودهما. Donc le cheikh il mentionne premièrement dans le verset 40, il explique que chacun d'entre ces peuples-là qui ont traité leurs messagers de mensonges, de menteurs, Allah subhanahu wa ta'ala les a attrapés pour leur péché par un châtiment spécifique. À chacun d'entre eux, il leur a envoyé un châtiment qui correspondait à leur crime ou à leur péché ou à leur rejet de la vérité. Donc parmi eux, il y en a sur lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un ouragan, des ouragans, des vents très forts. Et comme il dit, فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا حَاصِبًا, c'est-à-dire un vent très fort qui soufflait sur eux. Et donc ça c'est l'exemple du peuple de Ad. Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé un vent qui était très fort, qui soufflait pendant des jours et des nuits. Comme c'est mentionné dans, comme le cheikh le mentionne exactement dans Surat Al-Haqqa, il dit dans le verset 7, Allah subhanahu wa ta'ala dit que, dans la signification, qu'Allah déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs, ce vent-là qui a été lancé contre eux. Et il dit, tu voyais alors les gens renversés par terre comme des souches de palmiers évidées. En vois-tu le moindre vestige? فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. Donc ça c'est l'exemple de ce qui est arrivé au peuple de Ad. Et également parmi les peuples qui ont traité leurs messagers de mensonges, il y en a que Allah subhanahu wa ta'ala a fait prendre par un cri. Et ça c'est le peuple de Salih. Et il y en a d'autres parmi les peuples qui ont traité leurs messagers de menteurs, qui ont été avalés par la terre, hein, qui ont été ensevelis par la terre, comme Qarun. Et il y en a d'autres qui ont été noyés par l'eau, comme le peuple de Pharaon et de Haman et leurs armées. Allah subhanahu wa ta'ala les a noyés dans l'eau, hein, comme c'est connu. وما كان الله أي وما ينبغي ولا يليق به ليظلمهم لكمال عدله وغناه التام عن جميع الخلق ولكن كانوا أنفسهم يظلمون منعوها حقها الذي هي بصدده فإنها مخلوقة لعبادة الله وحده فهؤلاء ضيعوها في غير موضعها وشغلوها بالشهوات والمعاصي فضروها غاية الضرر من حيث ظنوا أنهم ينفعونها. Donc le cheikh il dit, et il n'appartient pas à Allah subhanahu wa ta'ala d'être injuste, de leur faire une injustice, hein? Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas d'injustice à sa créature. Donc c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a fait une injustice, mais c'est eux-mêmes qui se faisaient de l'injustice. Ils faisaient de l'injustice à eux-mêmes. Il n'appartient pas à Allah, il ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala de leur faire de l'injustice à cause de sa justice parfaite et du fait qu'il se suffit à lui-même. Il n'a besoin de personne dans sa créature, dans sa création. Mais étant donné qu'ils se sont fait du tort à eux-mêmes, eh bien ils ont reçu ce châtiment-là du fait qu'ils ont empêché leur âme d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'ont empêché de se soumettre à Allah alors que leurs âmes sont créées pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Et donc ceux-là, ils ont en fait écarté leur âme du but pour lequel ils avaient été créés. Et ils ont donc gaspillé cette âme. Ils l'ont préoccupée, au lieu de la préoccuper par l'adoration et par le bien, ils l'ont préoccupée par les désirs, les passions et les péchés. Et donc, ils ont causé du tort à leur âme en agissant de cette manière-là, et ils lui ont fait du tort, yani sans même réaliser qu'ils lui causaient du tort, même en croyant qu'ils étaient en train de lui faire un bien quelconque, hein, de la faire profiter d'un bien quelconque, mais bien entendu, le bien qu'ils pensaient avoir, c'est un bien qui est éphémère en réalité. Et c'est la durée de leur péché. Ils croient qu'ils se font un bien quelconque, mais par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, il les prend par son châtiment pour l'injustice qu'ils se sont fait à eux-mêmes. Et donc, après le cheikh, il dit dans le verset 41, ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne l'exemple. Il compare les idoles des mushrikines et ce que les mushrikines font comme idolâtrie à la maison de l'araignée, la toile de l'araignée. Donc il dit, ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée qui s'est tissée une toile, hein, qui s'est donné une maison. Or la maison la plus fragile est celle de l'araignée, si seulement il savait. Donc, le cheikh il dit, وَهَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ لِمَنْ عَبَدَ مَعَهُ غَيْرَهُ يَقْصُدُ بِهِ التَّعَزُّزُ وَالتَّقَوِّي وَالنَّفْعُ وَأَنَّ الْأَمْرُ بِخِلَافِ مَقْصُودِهِ فَإِنَّ مَثَلَهُ كمثل العنكبوت اتخذت بيتا يقيها من الحر والبرد والآفات وإن أوهن البيوت أضعفها وأوهاها لبيت العنكبوت فالعنكبوت من الحيوانات الضعيفة وبيتها من أضعف البيوت فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا. Donc le cheikh il mentionne donc l'explication de ce verset-là en disant que Allah il a donné cette parabole pour nous faire comprendre celui, par rapport à celui qui adore d'autres avec lui, ou qui adore d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, et qui croit qu'en adorant d'autres avec Allah, il peut acquérir de la force et de la puissance, hein, et un bien quelconque. Et en réalité, c'est tout à fait le contraire, en fait. Tout ce qu'il souhaite, tout ce qu'il essaie de se procurer ou d'avoir en adorant ses idoles, et c'est pas de la force qu'il va avoir, mais plutôt de la faiblesse. Et il dit que c'est l'exemple de l'araignée. L'araignée, elle prend elle se tisse une toile ou elle se fait une demeure dans le but de se protéger de la chaleur ou du froid ou des choses qui sont nuisibles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement à son sujet que la plus fragile de toutes les maisons, c'est la maison de l'araignée, parce que elle est tissée, hein, elle est en toile, et donc elle est toute très faible. Et donc l'araignée, c'est une des animaux, une des bêtes qui est parmi les plus faibles, et sa maison est la maison la plus faible. Et en prenant donc cette maison-là, elle ne fait que s'augmenter en faiblesse. وكذلك هؤلاء الذين يتخذون من دونه أولياء فقراء عاجزون من جميع الوجوه حين اتخذوا الأولياء من دون الله يتعززون بهم وينستنصرونهم ازدادوا ضعفا إلى ضعفهم ووهنا إلى وهنهم فإن اتكلوا عليهم في كثير من مصالحهم وألقوها عليهم وتخلوهم عنها وعلى أن أولئك سيقومون بها فخذلوهم فلم يحصلوا منهم على طائل ولا أنالوهم من معونتهم أقل نائل فلو كانوا يعلمون حقيقة العلم حالهم وحال من حالهم فلو كانوا يعلمون حقيقة العلم حالهم وحال من اتخذوهم لم يتخذوهم ولا تبرأوا منهم ولا تولوا الرب القادر الرحيم الذي إذا تولاه عبده وتوكل عليه كفاء مؤونة دينه ودنياه وازداد قوة إلى قوته في قلبه وبدنه وحاله وأعماله. Donc le cheikh, il dit de même que les gens qui prennent des alliés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont pauvres, ils sont incapables et faibles de tous les points de vue, de toutes les façons imaginables, de toutes les situations imaginables. Ils sont faibles et ils sont pauvres, indigents, hein. Lorsqu'ils ont pris des alliés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, en recherchant en ces alliés-là et en ces idoles-là de la force ou de la puissance, hein, et ils ont souhaité qu'ils allaient leur venir en aide, ils n'ont fait que s'augmenter eux-mêmes en faiblesse, hein, et augmenter de la faiblesse à leur faiblesse et de la fragilité à leur fragilité. Et s'ils reposent sur ces idoles dans plusieurs de leurs intérêts dans la vie d'ici-bas, hein, et qu'ils se basent sur eux, hein, et bien ils se font abandonner par ces idoles-là ou ces choses-là sur lesquelles ils ont reposé leur confiance ou en lesquelles ils ont cherché un support quelconque. Et ça, on le voit, yani, de la part des mouchriquins, des kuffars. Et même lorsqu'ils faisaient la guerre, yani, même j'ai lu dans des livres, lorsque les chrétiens faisaient la guerre contre les musulmans, Allah al-Musta'an, ils imploraient leurs saints et leurs idoles, et ils imploraient Marie et d'autres, yani, contre les musulmans. Ils demandaient le support de ces créatures-là au lieu de demander yani, l'aide et le support à leur créateur. Donc yani, ça, c'est des exemples. Juste un instant, ok. Donc le cheikh, il dit, s'ils connaissaient réellement, s'ils avaient la réelle connaissance de l'état dans lequel, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit l'aucan ou ya'lamoun, si seulement ils savaient, hein, et la preuve qu'ils prennent ces êtres-là comme des alliés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est la preuve qu'ils ne connaissent pas la réalité, hein, de la faiblesse de ces êtres-là, et qu'ils n'ont pas compris la réalité de leur état, qu'ils ne peuvent rien faire pour eux. Hein? Ils ne connaissent pas l'état de ceux qu'ils ont pris, et s'ils le connaissaient, ils ne les auraient pas pris comme alliés. Hein? Ils se seraient au contraire désavoués d'eux, et ils auraient pris comme alliés le Seigneur, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, celui que lorsque le serviteur lui demande son support et lorsque le serviteur le prend comme allié et qu'il met sa confiance en lui, eh bien Allah se charge de toutes ses affaires, que ce soit dans sa religion ou dans sa dunya, et lui augmente sa force, lui augmente de la force à sa force, dans son cœur, dans son corps, dans sa situation et dans ses actions. ولما بين نهاية ضعف آلهة المشركين ارتقى من هذا إلى ما هو أبلغ منه وأنها ليست بشيء بل هي مجرد أسماء سموها وظنون اعتقدوها وعند التحقيق يتبين للعاقل بطلانها وعدمها ولهذا قال إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء أي إنه تعالى يعلم هو عالم الغيب والشهادة أنهم ما يدعون من دون الله شيئا موجودا ولا إله له حقيقة كقوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان وقوله وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن إلا الظن. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh explique, il dit que, et à la fin, hein, il a clarifié la faiblesse des idoles des mouchriquins, hein, et il a donc ramené la parabole à cet exemple qui est le plus grand exemple, l'exemple le plus clair, hein, et c'est pour leur faire comprendre que par la suite ces idoles qu'ils adorent en dehors d'Allah ne sont rien en réalité. Hein? Ce ne sont que des noms, hein? Des noms qu'ils ont donnés à ces choses-là. Ils ont basé leur croyance sur des conjectures et sur des idées, des pensées qu'ils ont qui sont totalement fausses. Et lorsqu'on vérifie les choses, et lorsqu'on analyse les choses, n'importe quelle personne qui a un minimum de raison, il constate et il comprend la fausseté de ces idoles et comment ces idoles en réalité n'existent même pas. Hein? Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 42 par la suite, Allah connaît toutes choses qu'ils invoquent en dehors de lui et c'est lui le Tout-Puissant et le Sage. C'est Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant et le Sage. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, comme le cheikh il le dit, Allah il sait, il est le connaisseur de l'invisible et de l'apparent, hein, Allah subhanahu wa ta'ala sait que ce qu'ils invoquent, hein, n'existe pas, hein, n'a aucune réalité. Et c'est comme lorsqu'il dit dans un autre verset, dans surat al-Najm, hein, ils n'adorent que des noms qu'ils ont inventés eux-mêmes, même si que leur père, et au sujet desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve, aucune autorité. Et il mentionne dans un autre verset également, ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala comme partenaire, hein, ils ne font que suivre des conjectures. C'est pour dire que qu'est-ce qu'ils font en adorant d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est que de créer ou de faire des conjectures. Il n'y a rien de réel dans ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des noms qu'ils ont inventés. وهو العزيز الحكيم. Et Allah subhanahu wa ta'ala termine le verset en disant que c'est lui le tout-puissant et le sage. الذي له القوة جميعا. الذي له القوة جميعا. الذي قهر بها جميع الخلق. والحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. الذي أحسن كل شيء خلقه وأتقن ما أمره. Donc le cheikh il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le tout puissant, celui qui a la force sur toute chose et celui qui a le contrôle et qui a la maîtrise de toute chose et qui a le contrôle de sa création totale et absolue. hein, celui qui a le dessus sur eux. Et c'est lui qui est le sage également et qui met les choses à leur place et qui lorsqu'il crée quelque chose, c'est lui qui le crée de la meilleure manière et qui maîtrise tout ce qu'il a ordonné et commandé. Et وتلك الأمثال نضربها للناس أي لأجلهم لانتفاعهم وتعليمهم لكونها من الطرق الموضحة للعلوم ولأنها تقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة فيتضح المعنى المطلوب بسببها فهي مصلحة لعموم الناس ولكن ما يعقلها بفهمها وتدبرها وتطبيقها على ما ضربت له وعقلها في القلب إلا العالمون إلا العالمون أي إلا أهل العلم الحقيقي الذين وصل العلم إلى قلوبهم. Donc le cheikh il dit dans le, il explique le verset 43 qui dit hein, et ce sont des en parlant des signes qu'il a révélé, telles sont des paraboles que nous citons aux gens, cependant seuls les savants les comprennent. Il dit ces paraboles, Allah subhanahu wa ta'ala les donne pour que les gens puissent en profiter, pour qu'ils puissent, yani c'est pour eux, pour qu'ils puissent en profiter et pour qu'ils puissent apprendre à travers ces paraboles et ces exemples, hein, les sciences et les choses qui sont yani bénéfique pour eux, pour que les choses soient simplifiées et pour qu'ils puissent les comprendre, pour disons rapprocher dans leur esprit les choses rationnelles aux choses yani qui ont rapport au sens, pour qu'ils puissent les comprendre plus facilement et donc la signification devient plus claire pour eux à cause de ces exemples là et ça c'est un bien pour tout le monde en général. Et mais par contre c'est uniquement ceux qui possèdent, disons, qui sont des savants, qui possèdent la science et la compréhension et la connaissance, qui sont capables de comprendre ces paraboles-là qui sont données et qui sont capables de les appliquer dans la réalité aux choses au sujet desquelles Allah subhanahu wa ta'ala les a données, ces paraboles-là, hein, et qui sont capables de les comprendre avec leur cœur. Et donc, les alimoun, les savants, c'est ceux qui ont ceux qui comprennent ces paraboles là et ceux qui les comprennent, donc ce sont eux qui sont les ulama, qui sont les savants, les alimoun, et qui ont une science qui est arrivée jusqu'à leur cœur. وهذا مدح للامثال التي يضربها وحث على تدبرها وتعقلها ومدح لمن يعقلها وأنه عنوان على أنه من أهل العلم فعلم أن من لم يعقلها ليس من العالمين. Le cheikh il dit donc ça c'est une éloge que Allah subhanahu wa ta'ala donne pour les paraboles qu'il donne dans le Coran, et c'est une incitation également à réfléchir et à méditer sur le sens de ces paraboles là et également c'est également un exemple que Allah subhanahu wa ta'ala donne aussi pour montrer l'importance des ulama, puis pour expliquer qui ils sont. Hein? On a compris par ce verset-là, par exemple, que celui qui n'a pas réfléchi, qui n'arrive pas à comprendre ces paraboles, ne sont pas des savants. وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْأَمْثَالَ الَّتِي يَضْرِبُهَا اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ إِنَّمَا هِيَ لِلْأُمُورِ الْكِبَارِ والمطالب العالية والمسائل الجليلة فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرها لاعتناء الله بها وحثه عباده على تعقلها وتدبرها فيبذلون جهدهم في معرفتها أما من لم يعقلها مع أهميتها فإن ذلك دليل على أنه ليس من أهل العلم لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمة فعدم معرفته غيرها من باب أولى وأحرى ولهذا أكثر ما يضرب الله الأمثال في أصول الدين ونحوها. الشيخ يقول Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il donne des paraboles dans le Coran, il donne uniquement des paraboles pour les choses les plus importantes et les plus grandes, et pour les objectifs qui sont les plus élevés, les plus importants. Et donc les savants, lorsqu'ils entendent ces paraboles, ils savent que ce sont pour des choses qui sont plus importantes que le reste. Et c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala a donné justement des paraboles au sujet de ces choses-là, pour faire comprendre que ce sont des choses importantes et pour inciter ses serviteurs à réfléchir et à comprendre et à méditer sur ces paraboles-là. Et donc, ils vont faire des efforts pour essayer de les comprendre et de les connaître. Mais celui qui n'arrive pas à réfléchir sur ces paraboles-là et à comprendre ces paraboles-là malgré leur importance, alors ça c'est la preuve qu'il n'est pas parmi, il ne fait pas partie des gens de science. Parce que, comme le cheikh il le dit, il n'a pas compris les questions qui sont les plus importantes. Donc le fait qu'il n'a pas compris les questions qui sont les plus importantes, eh bien, c'est encore plus, s'il n'est pas capable de les comprendre, c'est encore plus évident que les choses qui sont moins grandes, il ne va pas les comprendre aussi. Hein? Et c'est pour ça que la plupart du temps, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il donne des paraboles dans le Coran, c'est souvent des paraboles qui touchent les fondements de la religion et les choses qui sont reliées à ce genre de sujet-là. Hein? Donc ça, c'est un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne un exemple ici dans ce verset-là. Par exemple, dans le verset qu'on a cité tout à l'heure, le verset 41, il parle de la toile de l'araignée. Il parle de l'araignée. Donc, quelqu'un qui ne comprend pas, yani, il va dire, mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala mentionne des araignées, des toiles d'araignée? Il ne va pas comprendre à quoi Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion et à quoi il se réfère lorsqu'il mentionne la toile d'araignée. Et lorsqu'il mentionne les araignées dans le sens de faire comprendre aux hommes la faiblesse de l'idolâtrie et à quel point les gens qui prennent des alliés en dehors d'Allah sont faibles et sont loin de la force qu'ils recherchent eux-mêmes. Donc ça c'est pour faire comprendre que Allah il donne des paraboles comme ça pour faire réfléchir les hommes. Et c'est comme au début de la sourate Al-Baqarah, Allah il parle de ça justement. Il dit qu'il donne des paraboles, même à partir d'un moustique ou des choses comme ça. Donc, il peut donner des paraboles sur des choses comme ça. Quelqu'un qui entend ça, il peut dire, mais pourquoi y en a donné des exemples sur des insectes ou des moustiques comme ça, hein? Ils pensent, ils réfléchissent pas plus loin que ça. Et on voit que la plupart des exemples que Allah subhanahu wa ta'ala donne, c'est justement des exemples qui touchent au tawhid et qui touchent au fondement de l'islam, comme l'exemple lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il parle de la mouche, lorsqu'elle les mushrikoun, il dit que les idoles des mushrikines, ils ne possèdent même pas une mouche, hein. Il donne plein d'exemples comme des exemples pareils pour faire comprendre l'incapacité et la faiblesse des idoles. Et le cheikh il dit ensuite dans le verset, il mentionne le verset 44 qui dit خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآيات للمؤمنين. C'est pour une juste raison qu'Allah a créé les cieux et la terre. Voilà bien là une preuve pour les croyants. Le cheikh il mentionne à ce sujet-là, أي هو تعالى المنفرد بخلق السماوات على علوها وارتفاعها وسعتها وحسنها وما فيها من الشمس والقمر والكواكب والملائكة والأرض وما فيها من الجبال والبحار والبراري والقفار والأشجار ونحوها وكل ذلك خلقه بالحق أي لم يخلقها عبثا ولا سدى ولا لغير فائدة وإنما خلقها ليقوم أمره وشرع ليقوم أمره وشرعه ولتتم نعمته على عباده ليروا من حكمته وقهره وتدبيره وما يدلهم على أنه وحده معبودهم ومحبوبهم وإلههم فإن في ذلك لآيات للمؤمنين على كثير من المطالب الإيمانية إذا تدبرها المؤمن رأى ذلك فيها عيانا. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui est yani celui qui a créé l'univers, les cieux et la terre et tout ce qu'il y a dedans. C'est lui qui l'a créé tout seul, hein, qui a créé les cieux, hein, et quand on regarde les cieux, on voit sa hauteur, on voit sa largesse, on voit à quel point il est beau, ce ciel, et on voit également qu'est-ce qu'il y a dedans, comme le soleil et la lune, les étoiles et les anges également qu'il a créés dans les cieux. Et on voit également sur la terre comment il y a mis des montagnes immenses et des océans gigantesques, et comment il a également créé des plaines et des campagnes, etc., et des forêts, etc. Donc des arbres et tout ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, il l'a créé en vérité. C'est-à-dire, il n'a pas créé tout ça pour rien. Il n'a pas créé ça en vain. Et il n'a pas créé ça sans but. Tout ce qu'il a créé, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé pour un but bien précis. Et il l'a créé pour pouvoir établir son commandement et son ordre et sa loi. Et pour pouvoir compléter sa grâce sur ses serviteurs, pour qu'ils voient de sa sagesse, de sa force, de son contrôle, de comment il gère les choses d'une façon parfaite, et pour leur faire comprendre et pour leur donner la preuve que lui seul il est celui qu'ils doivent adorer, qu'ils doivent aimer, hein, qu'ils doivent vénérer. Et il y a en cela des signes pour les croyants, pour beaucoup de des objectifs et des objectifs et des réclamations qui ont rapport avec la foi, hein, pour celui qui réfléchit parmi pour le croyant qui réfléchit, hein, il voit en ces créatures d'Allah des preuves claires avec ses yeux de tout ce qui existe, tandis que vous voyez les koufars qui parmi les gens qui nient l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui refusent d'admettre son existence à cause de leur orgueil et de leur arrogance et de leur fierté, et bien vous les voyez devant tous ces signes et puis ils refusent de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien que malgré qu'ils ont vu les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création et qu'ils reconnaissent son existence, mais malgré tout, ils continuent à vouloir prendre des partenaires et des associés avec Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Ensuite, le cheikh il mentionne le verset 45, et dans le verset 45, Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqim al-salah » إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. C'est-à-dire, récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la salat. En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes de ce qu'il y a de plus grand, et Allah sait ce que vous faites. Donc maintenant le cheikh explique ce verset-là. Il dit « يأمر تعالى بتلاوة وحيه وتنزيله وهو هذا الكتاب العظيم معنى تلاوته اتباعه بامتثال ما يأمر به واجتناب ما ينهى عنه والاهتداء بهداه وتصديق أخباره وتدبر معانيه وتلاوة ألفاظه فصار تلاوة للفظه أو تلاوة لفظه جزء المعنى وبعده فصار تلاوة لفظه جزء المعنى وبعده. إذا كان هذا معنى تلاوة الكتاب علم أن إقامة الدين كلها داخلة في تلاوة الكتاب. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala quand de ce verset là il nous ordonne de réciter ce qui est révélé dans dans le livre, c'est-à-dire de réciter le Coran, le Coran, donc on peut comprendre dans la signification de réciter ici que c'est pas seulement de le réciter, mais ça veut dire également de le suivre, hein, de le suivre et de mettre en implémentation et d'appliquer tout ce qui est ordonné dedans et de s'écarter de tout ce qui est interdit dedans et de prendre notre guidance de la guidance qui est dans ce livre et de croire en tout ce qui est dans tout ce qui est mentionné comme information à son, dans ce livre et de réfléchir sur, et de méditer sur ses significations et de réciter ces paroles et ces mots qui sont dedans. Donc on comprend maintenant que le fait de réciter, comme c'est mentionné dans le verset, qu'est-ce qu'on dit en arabe, at-tilawa, eh bien, de le réciter, c'est de réciter ces mots ou ces paroles et les lettres qui sont dedans, c'est seulement une partie de la signification de réciter. C'est-à-dire que réciter, c'est juste une partie de la signification. Lorsqu'on parle de tilawa, on ne parle pas seulement de le lire. On parle de tout ce qu'on vient de mentionner. Et après, le cheikh, il dit donc, si on a compris que c'est ce que tout ce qu'on vient de mentionner, c'est ça la signification de réciter le livre, alors on comprend en même temps que de réciter le livre, c'est d'appliquer et d'établir la religion en entier. Et de le réciter, ça fait partie donc d'établir le livre, ça fait partie de le réciter. Et il dit ensuite فيكون قوله واقيم الصلاة من باب عطف الخاص على العام لفضل الصلاة وشرفها وأثارها الجميلة وهي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالفحشاء كل ما استعظم كل ما استعظم واستفحش من المعاصي التي تشتهيها النفوس والمنكر كل معصية تنكرها العقول والفطر. Donc le cheikh il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala il dit de réciter le livre et tout de suite après il dit d'établir la salat. Donc comme on vient d'expliquer tout à l'heure que de les réciter le livre, c'est d'appliquer la religion en entier, et donc d'établir la salat, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné l'ordre général d'appliquer la religion en entier, et parmi les choses qui font partie d'appliquer la religion en général, il y a le fait d'établir la salat. Donc c'est comme si il mentionne quelque chose de particulier après avoir mentionné quelque chose de général qui est de réciter le Coran et ensuite d'établir la salat. Donc qu'est-ce qu'il veut dire le cheikh ici, c'est que d'établir la salat fait partie de réciter le livre, fait partie de tilawa, hein? C'est pour ça qu'il dit que ça fait partie de mentionner le général, de mentionner qu'est-ce qui est particulier après avoir mentionné qu'est-ce qui est général. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ça de cette manière, pourquoi il mentionne de réciter le livre et d'appliquer donc la religion en entier, et qu'après il spécifie et il mentionne de façon plus particulière la salat ensuite, c'est pour montrer l'importance et la noblesse de la salat et son importance et les effets bénéfiques et belles qu'elles ont sur l'individu qui l'a fait. Et il donne comme exemple la suite du verset que la salat, quand on l'a fait, elle, en vérité, elle préserve des turpitudes et de tout ce qui est interdit, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est blâmable. Donc, le cheikh explique que al-fahsha, hein, c'est qu'est-ce qu'on traduit comme par le terme turpitude, c'est-à-dire péchés qui sont vraiment laids, lorsque les gens voient ces péchés-là, ils les voient comme étant des péchés qui sont vraiment graves et vraiment laids. Puis c'est quelque chose qui est convoité également par les hommes. Hein, convoité par les hommes dans le sens que il y en a qui désirent ces péchés-là, hein, en eux-mêmes. Et ensuite, il explique que le terme munkar, c'est tout péché que la raison et la nature profonde de l'être humain rejettent. Ensuite, il dit, ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن العبد المقيم لها المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتقل أو تنعدم رغبته في الشر. Le cheikh il dit, et la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que la prière, disons, lorsqu'on la fait, elle nous préserve des turpitudes et de qu'est-ce qui est blâmable, de qu'est-ce qui est mauvais, c'est que lorsque le serviteur établit sa prière comme il faut, et il respecte tous les piliers de la prière, de même que toutes ses conditions, et qu'il l'établit avec sa concentration et son humilité, elle illumine son cœur et elle purifie son cœur et elle augmente sa foi et elle raffermit ou renforcit son désir pour le bien et elle diminue ou elle annule complètement, anéantit complètement son désir pour le mal. فبالضرورة مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر وهذا من أعظم مقاصد الصلاة وثمراتها. Donc le cheikh il dit que c'est, si on a compris bien le point qu'il vient de mentionner, le fait que lorsqu'on a établi la salade comme il faut, avec toutes ses conditions et tous ses piliers, toutes ses règles, eh bien, elle a cet effet-là dans notre cœur, elle illumine le cœur, etc. Eh bien, nécessairement, par la suite, le fait de la préserver et de la faire constamment et comme il faut dans les temps, comme c'est demandé de le faire, hein, comme il faut, eh bien, cette prière-là va nous interdire, va nous préserver toutes les turpitudes et le mal, tout ce qui est blâmable. Donc ça fait partie des plus grands objectifs de la prière et des plus grands fruits également de la prière. Ensuite, le cheikh il dit ثم في الصلاة مقصود أعظم من هذا وأكبر وهو ما اشتملت عليه من ذكر الله بالقلب واللسان والبدن فإن الله تعالى إنما خلق العباد لعبادته وأفضل عبادة وأفضل عبادة تقع منهم الصلاة وفيها من عبوديات الجوارح كلها وما ليس في غيرها ولهذا قال ولذكر الله أكبر. ويحتمل أنه لما أمر بالصلاة ومدحها أخبر أن ذكره تعالى خارج الصلاة أكبر من الصلاة كما هو قول جمهور المفسرين ولكن الأول أولى لأن الصلاة أفضل من الذكر خارجها لأنها كما تقدم بنفسها من أكبر الذكر. Donc le cheikh il dit que il y a également par la suite, comme on a mentionné, que un des buts de la prière et un des fruits de la prière, c'est de nous empêcher ou de nous préserver de ce qui est mauvais, mais en même temps il y a un autre objectif à la prière qui est plus grand encore, hein? Et il dit wa huwa, et c'est tout ce que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala comprend. Tout ce qu'elle comprend comme rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que dans la prière, il y a le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le rappel d'Allah par le cœur, par la langue et par le corps. Parce que on fait des actes d'adoration avec le cœur dans la prière, on en fait aussi avec la langue et on en fait aussi avec le corps. Donc, ça fait partie des grands objectifs de la prière, d'établir le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que le cheikh dit فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا خَلَقَ الْعِبَادَ لِعِبَادَتِهِ. Parce que Allah a uniquement créé les serviteurs pour qu'ils l'adorent. Et la meilleure des adorations qu'ils peuvent faire, c'est la salat. Parce que dans cette salat, dans cette prière, il y a différents degrés d'adoration hein, qui sont faits avec toutes les parties du corps. Et ça ne se retrouve pas dans d'autres parmi les adorations. On ne peut pas retrouver ça dans d'autres parmi les adorations. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa la dhikrullahi akbar » Et donc, c'est-à-dire, et certes, le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, wa aqimis salat li dhikri, et établissez la salat pour mon rappel. Hein, ça c'est un autre verset. Et ici, le cheikh il dit ensuite, et ça implique, ça peut être aussi, yani, comme ça peut être, comme on a dit, la glorification de la salat et l'ordre de faire la salat et l'information que c'est pour son rappel, et aussi ça peut être que pour montrer que le rappel en dehors de la salat est plus grand que la salat lui-même. Ça c'est la façon dont certains parmi la majorité des mufassirines l'ont interprété comme ça, en disant que en dehors de la salat le rappel d'Allah en dehors de la salat est plus grand que la salat. Ça c'est une interprétation parmi les interprétations des savants de tafsir. Toutefois, le cheikh As-Sa'di il dit que la première interprétation c'est celle qui est meilleure, c'est celle qui est plus correcte, parce que la salat, elle fait partie du meilleur zikr, ou c'est le meilleur zikr. لأن الصلاة أفضل من الذكر خارجها. Parce que la salat est meilleure que le rappel qui est fait en dehors de la salat. لأنها كما تقدم بنفسها من أكبر الذكر. Parce que la prière en elle-même est le plus grand rappel. Donc elle est meilleure la salat que le rappel en dehors de la salat. Donc ça c'est deux tafsirs qui ont été donnés par les ulama. Une qui dit que le rappel en dehors de la salat est meilleur que la salat elle-même, et d'autres ulama qui ont mentionné que non, la salat en elle-même, elle est le plus grand rappel, et elle est meilleure que le rappel en dehors de la salat. Hein? Et le cheikh dit que la plus correcte, c'est celle qu'on a mentionnée en premier, que la salat en elle-même est meilleure que, et elle est le plus grand zikr. Wallahu ya'lam ma tasna'un. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît ce que vous faites, ou il sait ce que vous faites. Min khayrin wa shar. Fayujazikum ala dhalika. Akmal al-jaza wa awfa. Le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce que vous faites de bien ou de mal. Donc il va vous rétribuer selon ce que vous avez fait, de la meilleure rétribution et de la plus complète. Que ce soit du bien ou du mal, il va vous rétribuer pour qu'est-ce que vous avez fait, hein, d'une rétribution complète et yani, juste. Hein. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui avec yani, ce qu'on a expliqué des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui dans ce tafsir, et on continuera demain, inshallah, la suite de cette surah dans le tafsir de l'imam al-Sa'di. Donc on va s'arrêter. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.